est 18h sur CKRL 89.1, vous écoutez Futur Simple et c'est l'heure de notre chronique nutrition avec Karine Gravel. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Alors aujourd'hui tu vas nous parler de la bigorexie. Bon, c'est un trouble alimentaire qui a été identifié à la fin des années 90 et pour les personnes qui sont bigorexiques, il va falloir s'habituer à ce mot-là, bigorexie. Oui. Pour ces personnes-là, la masse musculaire devient une obsession. Mais pour bien situer tes propos, peux-tu nous décrire un peu plus ce trouble? Oui, en fait, parfois on utilise les synonymes complexe d'Adonis, anorexie inversée ou encore le terme scientifique dysmorphie musculaire. Donc ça, c'est tous des synonymes de la bigorexie. Donc je vais utiliser le terme bigorexie là, pour la suite de ma chronique. Donc qu'est-ce que c'est? Ben, ce trouble-là, c'est la peur d'être insuffisamment musclé. Donc, une personne qui est bigorexique va vouloir développer sa masse musculaire en s'entraînant. Et la plupart du temps, elle va aussi exercer un contrôle excessif sur son alimentation là, pour y parvenir. Ça va souvent ensemble, oui. Oui, et malgré ses efforts, en fait, la personne bigorexique peut se percevoir moins musclée comparativement à la réalité. Donc, il y a comme une distorsion là, de sa perception d'elle-même. Donc, en résumé, la préoccupation de la personne bigorexique, c'est par rapport à son poids et à son image corporelle et aussi par rapport aux aliments. Et là, pour bien faire la différence avec un comportement qui est normal, un comportement qui est sain, pour la majorité des gens qui s'entraînent et qui font de la musculation, c'est quelque chose de positif, hein, c'est ouais, correct. Oui, c'est ça, il y a peut-être une limite quelque part. Oui, oui. Mais pour la personne bigorexique, s'entraîner, ben, ça devient vraiment une obsession. C'est un comportement qui est rigide, qui est envahissant. Mm-hmm. Donc là, c'est vraiment un problème. Donc, ça veut dire, ça se manifeste comment concrètement? Est-ce que tu peux nous donner, un exemple de ce que fait cette personne bigorexie? Oui, mais pour mieux comprendre en quoi ça consiste, hein, parce que c'est un trouble qui est assez récent, je me suis entretenue avec Isabelle Labrec, qui est actuellement doctorante en psychologie à l'Université Laval et qui travaille sur le sujet. Donc, elle m'a donné quelques exemples concrets et aussi, c'est important de mentionner, hein, ce sont des exemples fictifs pour nous donner une meilleure idée du problème. Donc, globalement, l'horaire de la personne bigorexique est planifié en fonction de son entraînement et de son alimentation en priorité. Mmh. Toujours en priorité, donc avant sa vie professionnelle et familiale. Donc, sa routine va être très rigide et suivie toujours à la lettre. Donc, aucune entorse admise. Exactement. Par exemple, elle peut se lever très tôt, 5h du matin ou même 4h pour aller s'entraîner avant d'aller travailler. C'est très important. Puis, elle peut aussi, par exemple, dormir tous les soirs à 21h sans aucun compromis et éviter là, à tout prix de boire de l'alcool pour être en forme à son entraînement le lendemain matin. Donc, on sent que il y a vraiment, presque des privations. Là. Oui, oui, c'est très rigide. Ouais. Puis, pour la fréquence de l'entraînement, ben ça, c'est variable. Il y a certaines personnes bigorexiques qui vont s'entraîner 3 fois semaine, 4 fois, jusqu'à 7 fois par semaine, puis d'autres qui vont s'entraîner jusqu'à 2 fois par jour. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de règles précises. Mais quand elles ont leurs règles, elles n'en dérogent pas. Exactement, oui. Et est-ce qu'on connaît les origines de ce trouble? Bien, il y a des hypothèses. On n'a pas de certitude encore pour les origines, mais il y a des hommes bigorexiques qui ont rapporté avoir été soit plus maigres ou plus gros que les autres durant leur enfance ou leur adolescence. Et qui ont rapporté avoir été intimidés, ce qui les a amenés à mettre des efforts. Et puis là, bien évidemment, c'est trop d'efforts hein, pour modifier leur apparence physique pour que l'intimidation s'arrête. Puis ils ont développé le trouble comme ça. Puis aussi, bien, on en parle plus souvent pour les femmes, mais les hommes aussi sont exposés à certains stimuli sociaux. C'est clair. Comme les images de corps minces et musclés dans les médias. Dans la publicité, ou dans la publicité pour les rasoirs et tout. C'est toujours des corps d'hommes parfaits. Oui, sans aucun poil, entre autres. Hein, on sait que c'est pas naturel. Donc, au niveau psychologique aussi, bon, la personne qui a une plus faible estime d'elle-même ou qui a une tendance à l'anxiété, ben, elle peut être plus sensible à ce genre de message et être plus à risque de développer éventuellement un problème. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées par ce trouble-là? Dans la population générale, si on inclut les hommes et les femmes, l'estimation de la prévalence, là, c'est toujours une estimation, hein, c'est d'environ 0,5 à 1%. Ce taux-là est estimé à 10% chez les culturistes, donc une personne sur 10, Et chez les hommes qui fréquentent un centre d'entraînement physique, là, on dirait à peu près 5 %, donc un homme sur 20 là, environ. Ah oui, donc là, c'est pas c'est négligeable dans la population. Bon, c'est pas beaucoup dans la population générale, mais ouais. parmi les oui, oui, oui. hommes qui fréquentent les salles de musculation, exactement. Là, ça devient quand même oui. important. Là. C'est ça, ça ouais. augmente. Dans la population, il faut retenir à peu près 0,5 à 1 % seulement. Donc, même si la vigorexie existe aussi auprès des femmes, ben on s'en doute, hein, quand on parle de masse musculaire, c'est un trouble qui va se manifester plus souvent auprès des hommes. Puis pour vous donner une ordre de grandeur, par exemple, parmi 10 personnes bigorexiques, 9 seraient des hommes et il y aurait mm-hmm. une femme. Et à l'inverse, chez les personnes anorexiques, si on prend 10 personnes anorexiques, il y aurait 9 femmes et un homme. Donc, c'est l'inverse. C'est un parallèle intéressant parce que dans les deux cas, il y a une origine qui vient un petit peu de l'image. Oui. Envoyé par les médias mm-hmm. un petit peu mm-hmm. et l'image de soi qu'on a de soi aussi. Aussi, oui, il y a ouais, des liens donc à faire. Il y a des liens, oui. c'est intéressant. Oui. Est-ce que les personnes qui souffrent de bigorexie ont des traits de personnalité semblables ou des caractéristiques communes? Mais en fait, ce sont souvent des personnes qui sont rigides et perfectionnistes. Hein. On parlait un petit peu tout à l'heure là, de ouais, leur poursuivre horaire. Poursuivre un horaire, oui. C'est ça. Et qui vont chercher là, à valoriser leur image à travers le sport ici, mm-hmm. à travers le développement de leur masse musculaire. Donc, pratiquer une activité physique avec excès, ça peut être un moyen pour ces personnes-là d'augmenter leur estime d'elles-mêmes, de combler un vide affectif ou de modifier leur apparence corporelle. Donc, c'est une forme de compensation. Mm-hmm, d'accord. Mm-hmm. Et au début de ta chronique, tu parlais qu'on appelait aussi la bigorexie anorexie inversée. Mais pourquoi? Ben, au lieu de vouloir être excessivement maigre, comme c'est le cas auprès des femmes anorexiques, les hommes bigorexiques veulent développer leur masse musculaire tout en évitant d'augmenter leur masse grasse corporelle. Donc, le lien qu'on peut faire, c'est que comme chez les femmes anorexiques, la perception là, que la personne bigorexique a de son corps ne correspond pas vraiment là, à l'apparence réelle. Donc, c'est ce qui explique là, pourquoi la bigorexie, elle est souvent appelée anorexie inversée. Donc, étant donné que les personnes bigorexiques veulent perdre du gras corporel et devenir plus musclées et gagner du poids au lieu d'en perdre. Mmh. Mmh. Et en fait, est-ce qu'il y a un moyen de savoir si une personne souffre de bigorexie? D'abord, est-ce que ça se mesure? Mais comme c'est un trouble qui est relativement récent, la bigorexie n'est pas encore officiellement reconnue là, comme mm-hmm. maladie dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, en fait la bible des ouais. psychologues. Donc pour l'instant, il n'existe pas de critères diagnostiques précis. Il y en a qui ont été proposés par contre dans la littérature. Donc une autre difficulté aussi, c'est que la bigorexie, elle peut ben, à tort être perçue comme un trouble positif parce que l'entraînement et la forme musclée du corps sont encouragés, sont aussi valorisés dans notre société. Mm-hmm. Donc, il peut y avoir un problème, puis on n'en perçoit pas vraiment un. Ça, c'est une possibilité mm-hmm. aussi. Par contre, il y a certains symptômes qui sont à surveiller. Comme par exemple, pratiquer un sport avec la seule motivation, l'apparence ou le poids corporel et laisser aucune mm-hmm. place au plaisir. Au plaisir, ouais. Ouais. Il y a aussi un autre symptôme, c'est l'utilisation d'une grande quantité de suppléments alimentaires dans l'espoir d'améliorer ses performances musculaires, comme les shakes de protéines. Hein, ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment. L'utilisation aussi de la créatine ou même des stéroïdes. Malgré les effets secondaires possibles. Donc, rapidement, par exemple, pour les stéroïdes, hein, les effets secondaires sont nombreux puis quand même assez grave aussi. Donc, avec la prise de stéroïdes, il peut y avoir une augmentation du risque de la tension artérielle, du cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol. Mm-hmm. Aussi, un risque plus élevé de maladies cardiovasculaires, d'acné aussi. Une atrophie des testicules, une diminution des capacités sexuelles et même une stérilité mm-hmm. provisoire. Donc, mm-hmm. c'est pas rien hein, comme effet secondaire. Non. Là, il y en a d'autres aussi. Après ça, un autre symptôme, ça peut être un changement brusque de poids, dépendamment là, où mm-hmm. on parle au départ. Ensuite, on a l'utilisation d'une technique douteuse pour perdre du poids, une diète amaigrissante extrême, mm-hmm. l'utilisation de laxatifs, de diurétiques, parfois aussi beaucoup, puis même trop de temps, d'argent consacré ouais. À l'apparence et aux produits de beauté. Un autre symptôme, un sentiment persistant de jamais avoir le bon look, de jamais être satisfait de soi. C'est ça, d'avoir besoin d'être assuré sur son apparence. Mm-hmm. Puis avoir une fixation aussi sur l'apparence d'un modèle, comme un homme très musclé ou une vedette de cinéma. Par exemple, Sylvester Stallone en Rambo, hein, on voit souvent cette affiche-là, ou Arnold Schwarzenegger. Puis aussi, un autre symptôme, c'est que les personnes bigorexiques, elles peuvent ressentir de la détresse à l'idée de devoir dévoiler leur corps dans un vestiaire, par exemple. Ah, oui. Vraiment ressentir de l'anxiété, donc elles vont tenter d'éviter là, à tout prix cette situation-là, malgré que leur corps puisse être envié là, parce qu'il est musclé et tout ça. Et de quelle façon est-ce qu'on peut la traiter, la bigorexie? C'est peut-être trop récent pour savoir s'il y avait vraiment un traitement. C'est ça. Mais de façon générale, comme pour les autres troubles alimentaires, il faut d'abord là, que la personne bigorexique reconnaisse qu'elle a un problème, qu'il y a quelque chose qui la fasse souffrir dans ça. Ensuite, il faut obtenir de l'aide, là, notamment en psychologie et possiblement aussi là, en nutrition auprès d'un professionnel qui est spécialisé dans les troubles alimentaires. Et puis, bon, on dit, oui, c'est un trouble récent, on n'a pas encore de traitement spécifique, mais je vous parlais un petit peu plus tôt dans ma chronique qu'il y a un projet de recherche là, qui porte actuellement sur la bigorexie à l'Université Laval. Donc, dans cette étude-là, on veut mieux comprendre les préoccupations corporelles masculines, et c'est Isabelle Labrec, qui est doctorante en psychologie, qui recrute actuellement des hommes âgés entre 18 et 35 ans et intéressés par le développement de la masse musculaire. Donc, pour obtenir plus d'informations sur l'étude, il faut contacter Isabelle Labrec. Je vais vous laisser les coordonnées. On peut la contacter par courriel à isabelle.labrec.3@commercialulaval.ca ou au 418-656-2131 au poste 4768. Puis s'impliquer comme ça, comme participant dans un projet de recherche, ben c'est un bon moyen de faire progresser les connaissances puis d'identifier des solutions, éventuellement des traitements là, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la bigorexie. Donc, on va prendre le temps de répéter les coordonnées peut-être. Donc, il s'agit d'Isabelle Labrec, qui est doctorante, qui a fait son doctorat sur la bigorexie et qui cherche donc des hommes, tu m'as dit, bon, qui sont intéressés par la masse musculaire. Oui, qui sont intéressés par le développement de la masse musculaire, qui sont âgés entre 18 et 35 ans. Et puis, donc les coordonnées, je les répète, le 418-656-2131, le poste 4768 et par courriel à isabelle.labrec.3@commercialulaval.ca. Ben voilà, comme ça, je pense que c'est un moyen de rentrer au cœur de la recherche, donc de la vivre presque de plein fouet. Oui, parce qu'il reste beaucoup de questions à résoudre sur cette Donc, merci Karine de nous avoir éclairé sur ce trouble que j'ignorais complètement. Oui, et ça ne va pas nous empêcher de passer en musique. Donc, toujours en écoutant CKRL au 89.1. Merci.